l'agonie, livre 3, chapitre 19. Éperdument, vers le Tibre, Madée emportait Attilia, que les prétoriens avaient frappée. Alors qu'elle s'élançait au secours de Sémias, égorgée avec Elagabalus, découvert dans les latrines de la vieille Espérance, aux murs somptueux. Il lui avait enfoncé la tête, sa tête dorée d'empereur à la tiara tramée de gemmes et de métaux précieux dans les excréments. Puis tué Hiéroclès, crevé les yeux à Aristomachès et à Antiochanus, empalé Zoticus et Murissimus, décollé Cordius et Protogenès, semé à nouveau les jardins de cadavres qui pantelèrent à ce soleil de mars, empli les lacs de sexe coupé d'hommes de joie, saccagé le palais où il ne resta plus rien debout, ni candélabres aux pieds d'Atlante, ni vases, ni statues, ni triclinia, ni trône d'or, d'ivoire et de bronze, dont les obscénités sculptées étaient des symboles. Ni cathèdre, ni sigma, ni table de Tias, ni rien qui en faisait la gloire. Puis, arrachant la pierre noire au temple du soleil, il l'avait souillée d'ordures et mise en débris que le peuple dispersa pour que jamais ne lui revînt cette signification de la vie, érigée si terriblement au-dessus de Rome comme un obélisque d'ombre, aspect de gigantesque phallus. Dès le soulèvement, Abara avait appelé Gaël et Amon pour arracher Attilia aux prétoriens révoltés. Et, quoique faible encore, Madée les suivit. Ils pénétrèrent à la vieille Espérance, où ils furent bientôt dispersés. À peine si Madée put se glisser en un coin de salle empli de sang, jusqu'à Attilia violée, le ventre nu, les seins coupés, la gorge tuméfiée, la face broyée à coups de talons de fer. Il la prit et n'eut que le temps d'éviter une flèche partie d'un couloir dérobé, frappant Abara qui tomba là, morte, sans un cri, son corps noir troublant la mare de sang dont un flux bouillonna. Un crépuscule violet bandé de stries de vin gâté s'élargissait jusqu'au zénith dont les reflets verdirent comme des chairs de cadavres pourris. Péniblement, Madée marchait, sous un bras Attilia dont les pieds traînaient et traversaient les espaces vagues du bas du Palatin au Tibre. Il voulait retourner à ce paisible atelier de la Transtévérine pour, dès le lendemain, avec Amon, avec Gaël, avec Attilia qui n'était pas morte et qu'il soignerait comme elle le soigna, s'embarquer sur le Tibre jusqu'à Ostie, d'où ils s'en iraient tous vers Émès. Et il espérait, sentant monter du corps d'Attilia une faible chaleur qui le faisait se méprendre sur la gravité de son état. Il espérait malgré tout, lui jadis si désespéré, lui qui eût donné sa vie. C'est que, maintenant, il aimait Attilia, épuré par la souffrance de ses mois de blessure, par les bonnes journées écoulées dans la maison des Carènes, par tout ce qui leva en lui une attirante fleur d'un sentiment très affiné. Partout la désertion se faisait autour des nouveaux massacres. Des cavaliers seulement apparaissaient dans un éloignement de crépuscule, la pique à l'air ou le glaive brandi. Des fumées noires montaient lourdement, que le vent très faible avait peine à dissiper. Et ces fumées flottaient, pareilles à des draperies, sur les sept collines, sur le Tibre et sur l'horizon, mangeant peu à peu les bandes vineuses de ce crépuscule sinistre, enveloppant les fêtes des temples, les pointes des colonnes et des obélisques, les terrasses des maisons, les bordures des arcs, les coupoles, les toits, les cirques, les amphithéâtres, les mausolées, dont les ors extérieurs flambèrent un moment pour s'atténuer et disparaître, dévorés par une gueule effroyable de nuit. Des clameurs fusèrent du Capitole, unies à d'autres clameurs, du Grand Cirque, du Palatin et de la Vieille Espérance. Des ombres de hauts cavaliers à l'armure squameuse, des ombres de cataphractaires filèrent. Vers le Capitole, dans l'élargissement jaune d'une lune crevant la nuit, un éblouissement d'armures blanches, d'enseignes, de glaives et de piques se fit. Une espèce d'érection d'empereur, qui était Alexander debout sur des surfaces de boucliers d'argent, casqué avec un flottement de chlamys pourpre qui prit des ampleurs de voile ensanglantée. Du grand cirque, une foule courut, traînant quelque chose butant sur le pavé. Tout disparut ensuite, en un évanouissement des dernières clameurs. C'étaient les argiraspides, proclamant le fils de Mamméa, après une tuerie furieuse des chrysaspides, ces beaux prétoriens au casque d'or, au bouclier d'or et à la pique d'or, fidèles jusqu'à la mort pour Elagabalus, qui les avait enrichis, protégés et choyés. Une heure durant, les armes d'argent des premiers s'étaient heurtées aux armes d'or des seconds, qui les avaient toujours jalousés. Abandonnés de tous, tant l'armée, à l'exception de quelques autres prétoriens qui laissèrent faire, leur en voulait d'avoir été choisis par l'empereur. Et ce ne fut qu'après avoir passé sur leur corps, où leur armure bosselée laissa voir des trous de sang, qu'Elagabalus, Hiéroclès, Zoticus, Murissimus, Protogenès, Gordius, Aristomachès, Antiocanus, Sémias et Attilia, tous les soutiens de la pierre noire, furent tués à coups de massue, à coups de flèche, à coups de pique, à coups de javelot, à coups de glaive, à coups de poignard, à coups de tout. Je n'arriverai jamais, jamais. À Gaël, Amon, Attilia, Attilia, c'est moi qui t'emmène, qui te sauve, moi, Madée. Ouvre les yeux, vois-moi. Ah Dieu, soleil, Christos, Attilia, Attilia. Et Madée s'exclamait toujours, désespérée sans plus de force pour davantage porter Attilia, qui ouvrit les yeux, poussa un faible cri. Devant eux, le Tibre s'élargissait dans son vêtement d'eau que rendait plus jaune la lune. Des masses molles coulaient à son milieu qu'on eût dit des cadavres. Le fleuve gémissait dans un roulement continu de galets. Et ces deux grèves s'allongeaient et pointaient de ces galets brillants qui grouillaient. Et les ombres de maisons dressées à ses bords se secouaient en des miroitements dorsales dans lesquels la lune dansait. À quelques pas, le pont Sublicius évasait ses arches épaisses. Plus loin, un trou dégorgeait une eau noire en bruit de gargouillement. Madée reconnut la grande cloaque, dont l'aspect à la fois tragique et honteux le frappa d'horreur un jour. Brisé, il s'assit sur la grève. Il eut peur de voir mourir là Attilia, car, fermant les yeux, elle serrait ses mains dans les siennes en des crispations d'agonie. Puis elle eut un soupir, se redressa faiblement et se renversa sur Madée, sa longue chevelure encore souillée des brutalités des soldats, ses jambes étendues sous la stola déchirée, trempées dans du sang. Des formes humaines se poussaient sur le pont Sublicius, dominées de cavaliers aux gestes rapides qui s'écartèrent devant deux femmes. Madée n'osait remuer pour qu'on ne découvrît pas Attilia, qu'on ne fît pas souffrir une deuxième mort à la sœur d'Attilius. et, pendant qu'il contenait les sanglots de sa gorge, à la clarté de la lune toujours jaune, il distingua Mesa et Mamea. L'aïeul, après s'être agenouillé, partait seule, farouche, chancelante, avec un mouvement d'horreur pour sa fille vivante, immobile là. Elle venait de baiser suprêmement la face des Lagabalus, que ses cavaliers allaient jeter par-dessus le pont Sublicius. Le cadavre de cet empereur de 21 ans, après une mutilation de son sexe, avait été, quelques heures durant, traîné dans le grand cirque, jeté dans une ouverture de la grande cloaque trop étroite où il ne put passer, et traîné jusque-là. « Madé, Madé !» Amon, Eskebaus. Amon, les vêtements déchirés, la tête nue, la face en sang, après avoir vu Gaël tué à ses côtés, après avoir été lui-même traqué par des soldats à travers les jardins jonchés de cadavres, retournait à la région transtévérine avec Skebaus qui s'était hasardé vers la vieille Espérance pour avoir des nouvelles de ses amis. Apitoyé, le marchand de porc salé lui avait offert sa maison. « Gaël, Madé et Attilia sont morts. Tu ne feras rien à Rome. En attendant de retourner à Alexandrie, demeure chez moi. On ne te fera rien parce que tu n'étais rien. Ce n'était pas comme Attilia, sœur d'Attilius, comme Madé, prêtre du soleil, comme Gaël qui assistait aux assemblées du Christos oriental. Viens, je donnerai encore de mon porc salé à Cordula en échange de son corps. Cordula aimait Gaël, elle m'aimera, et peut-être que je ne paierai plus le plaisir qu'elle devrait me donner pour rien. Pendant ce temps, je vendrai du porc salé, je m'enrichirai avec du porc salé jusqu'à ce que je puisse vivre des jours tranquilles en Cilicie. » Ils avaient descendu la grève, attendu que le pont fût libre pour atteindre la Transtévérine. C'est alors qu'Amon vit Madé. « Viens, tu es jeune, tu ne peux te désoler longtemps. Si les soldats de là-haut te reconnaissaient avec ce cadavre, ils te tueraient, et nous avec. » Il lui prit le bras, ne reconnaissant pas Attilia sous les blessures horribles de sa face. Madé résista. « Egeel, mort. » Amon dit cela, navré, les bras pendants. Madé gémit. Gaël, Attilia, Attilius, Zal, Severa, tous, tous. Il ne remuait pas, mais Amon et Attilia. La voici, sanglota Madé, désignant Attilia étendue sur ses genoux, la bouche ouverte, les yeux ouverts, la gorge boursouflée, tailladée de coups et de déchirures qui saignaient. Ils l'ont violée, écrasée, tuée. Et il souleva sa tête, la baisa au front où un coin de peau nettement brillait comme de l'ivoire, sous ses cheveux souillés, ne voulant suivre Amon et Skebaus qu'avec ce cadavre. Les cavaliers hissèrent Telagabalus, qu'ils lancèrent au fleuve, par-dessus le pont, les pieds chargés de poids de bronze. Le cadavre plongea dans un grand trou d'eau qui eut des rejaillissements d'or. Son ventre blanc au sexe coupé, ses cuisses blanches, sa tête auréolée de cheveux encore teints de pourpre, un instant flottèrent pour couler à plomb dans un engouffrement muet. Puis les cavaliers firent un mouvement, une tête de cheval recula dans la nuit. Ils allaient disparaître quand Mamméa dit tout haut à un personnage enveloppé dans sa toge. « Tu connais ces gens-là, Atta? Qu'est-ce que ce cadavre qu'ils gardent ?» La lune éclaira Madé, qu'Atta avait vu avec Gaël, que dans sa haine des chrétiens orientaux, si souvent il espionna. Comme il connaissait son histoire, il n'hésita pas. C'est Madé, l'affranchi d'Attilius, magnificence, encore un partisan de Christos dénaturé, quoique prêtre du soleil. » Alors un cavalier, un sagittaire arabe, banda son arc, un coude en arrière, le buste haut, une flèche siffla. Madé, qui s'était retourné, reçut l'arme en pleine gorge et tomba sur le cadavre d'Attilia. « Mort !» s'exclama Hamon, se souvenant, par cette voix, de l'ex-parasite Atta, pendant que le sagittaire galopait, suivi des autres, en un bruit dur de chevauchés et de piétons qui s'enfoncèrent dans Rome sous la lune revêtue de clarté diffuse d'or salé. « Jetons-le au Tibre, » dit Schebaus philosophiquement, après qu'Amon eut essayé, en dépit de tout, de ranimer Madé. « Attilia le suivra. C'était un prêtre du soleil, sa personne est toujours sacrée. Il ne faut pas que son cadavre soit souillé par les méchantes gens de Rome, par les soldats qui tuent tout pour Alexander, et pour cette femme qui est Mamméa, et par les chiens qui le dévoreraient sûrement. Vois, il est mort, bien mort. Le Tibre le portera à Ostie, et qui sait si une vague secourable ne le déposera pas sur une plage syrienne avec Attilia. Si Gaël était vivant encore, il m'applaudirait. » Et, pris de la superstition pour l'ancien sacerdoce de la franchie, qu'il voulait respecter dans sa mort, eux qui étaient des orientaux, doucement ils prirent Madé et descendirent la grève jusqu'au Tibre, où ils le jetèrent. Attilia le rejoignit. Les deux corps émergèrent des eaux, se butèrent aux immondices dégorgées par la grande cloaque, gagnèrent le large et disparurent dans un remous que la lune jaunit vivement. Comme Amon sanglotait, Schebaus, l'entraînant par le pont Sublicius, lui disait en guise de consolation. « Pourquoi s'affliger? La vie ne vaut pas des larmes. Vois-moi, j'existe sans exister, c'est-à-dire que je n'existe pas. L'Empire ancien ne me connaissait pas, l'Empire nouveau ne me connaîtra pas. Je ne suis pas pour Mamméa, pas plus que je n'étais pour Elagabalus ou pour le Christos, oriental ou occidental. Je suis vendeur de porc salé, je débite du porc salé. Je me dérobe à tous pour m'en aller un jour de Rome, où l'on vous tue quand vous existez, c'est-à-dire quand on vous connaît. Fais comme moi. Tu vendais des lentilles, revends des lentilles. Mon porc est excellent. Pourvu qu'on me l'affirme, je suis satisfait. Je ne demande qu'à ne pas en donner à Cordula, qui m'aimera maintenant que Gaël est mort, en échange de son corps. Qu'elle me l'offre pour rien, et je la garde avec moi. Et elle vivra avec moi, et nous irons en Cilicie, quand j'aurai vendu assez de porc salé. Sa chair est bonne, mais mon porc est bon. Pourquoi gaspiller celui-ci? Je suis homme sage, prudent et probe. Sois de même, et tu n'auras à craindre ni Mamméa, ni cet Atta qui lui a désigné le pauvre Madé, ni rien. »